peu maintenant. Tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Nekfeu. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap Nekfeu, c'est maintenant sur Skyrock. Et c'est reparti pour une nouvelle soirée. Soyez les bienvenus, comment ça va Nekfeu? Mais ça va mortel, et toi Fred? Feu, toujours numéro 1 des ventes. Non, c'est trop là. Vraiment, c'est trop. Non, c'est pas assez. C'est quoi, je me suis réveillé avec plein de messages de gens qui me disaient l'album est en rupture et tout. Ouais. Je me suis dit, bon, il force peut-être. J'ai regardé un peu partout le truc qui est en rupture, c'est en rupture sur Amazon, c'est. Je sais comment. C'est bien. Sous-estimé. C'est même très bien. Bah ouais, c'est j'ai envie de dire. Voilà. Je suis tellement content, c'est fou. Donc là, j'espère qu'on va vite pouvoir en remettre dans les bacs, c'est ce qui est prévu normalement. Et un gros big up à tous les gens qui ont dévalisé ça. Oui, pour ceux qui aiment bien l'objet, ce sera dans les bacs. Sinon, on peut toujours l'avoir en téléchargement légal. Hein. Là, ça, on peut l'avoir tout de suite. Bien sûr. Là, il n'y a pas rupture, on peut y aller. Toutes sortes de moyens. Mais tu vois, par exemple, si tu le pètes à la Fnac, t'as un morceau bonus qui est au cœur du jeu. T'as plein de trucs, t'as plein de moyens de te mettre bien avec le scud quand même. Bon bah tout va bien en tout cas pour Feu qu'on découvre cette semaine entre 20 et 21. L'équipe du Escrew est là. Oui, yeah. Il y a le phénomène business ce soir, il y a D6, yeah. Il y a Megava, il y a mon Gava Hugs, il y a June de LA, mon poteau Dooms, DJ Elite, Ron Nestlé qui vient de faire son apparition. Sneezy qui est juste derrière toi. Sneezy qui est derrière moi. C'est vrai qu'on le reconnaît plus maintenant. Il est tellement, oui, c'est comment tellement bien coiffé. C'est parce que monsieur est un acteur. Ouais. En ce moment, il prépare. Ah, mais oui, mais il y a le film. Il se met dans son rôle. Bah ouais. Il y a le film en ce moment. Toi aussi, Fred, là, t'es sur un tournage, non? Sur tellement. Lourd la coupe. Bah, tournage très particulier. Ça se passe dans les bas-fonds du PSG il y a très longtemps. Ouais, okay. Sombre. Dans certaines tribunes bizarres. Bon, on est parti donc avec Nekfeu entre 20 et 21. Dans Planet Rap, vos réactions, vos messages, vos questions à Nekfeu, vous les balancez avec le hashtag Nekfeu sur Skyrock. Yeah. Des extraits de l'album ce soir. Ouais. Du live. Beaucoup de live, ouais. Beaucoup. Ouais. Hier, on a été gâtés déjà. Hein. Hier, c'était qu'un petit échauffement. Un petit avant-goût hier. Ouais, tranquillement. On voulait tranquille, être un peu calmement, dire les textes et tout. Et ce soir, ça va être le bordel. Et bien, une fois de plus, Elite sera au contrôle, il est là. Bien sûr. Et on y va, on débute avec On Verra, c'est parti. Vas-y. Coup d'envoi, le Planet Rap de Nekfeu. L'album est dans les bacs depuis hier. Feuille dans les bacs. On sèche les cours, la flemme marque le quotidien. Être en couple, ça fait mal que quand il tient. Même si j'ai rien à prouver, je me sens un peu seul. J'ai toujours pas trouvé la pièce manquante du puzzle. En possession de drogue, les jeunes sont fêtards. Quelle ironie de mourir en position fétale. Je viens à peine de naître, demain je serai vieux. Mais je vais tout faire pour être à jamais ce rêveur. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. On verra bien, vas-y viens, on y pense pas. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. On verra bien, on verra bien. Ce soir on ira faire un tour chez l'épicier ouvert en bas. Et on parlera d'amour entassé sur une véranda. Élevé par une vraie randa, j'ai des valeurs qui verront pas. Être un homme ça prend du temps comme commander un verre en boîte. J'ai le vertige quand je pense à toute la route qui me reste à accomplir. Je suis prêt à te casser les couilles si t'as vu, je te laisserai pas conduire. Le temps ça file, on a peur d'enchaîner les défaites et pirater. Sa vie pas de projet à part mater des DVD piratés. Ah, Escrew, on verra bien. Tout le monde rend fou, tout le monde est en guerre. Plus on se rend flou et moins on voit clair. Quand t'as pas d'argent, dans ce monde t'as pas droit. Y'a ceux qui cassent en tête et ceux qui t'as pas droit. Combien de fois j'ai volé par flemme de faire la queue. Mon papa me croit pas mais s'absente le tabac froid. On se fait chier au taf, on attend les camps va. On se parle derrière un ordi mais en vrai quand est-ce qu'on se voit. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. On verra bien, vas-y viens, on y pense pas. On verra bien, ce que l'avenir nous réserve. On verra bien. Escrew. Ici non seulement ça rappe, mais quand y'a un gros sommet ça rappe. Il n'est pas peur des insultes qu'on se lance aux consonances arabiques. On est tous dans les mêmes bateaux, même ceux que l'on n'aime pas trop. Car l'amour, le son et la bouffe sont devenus consommation rapide. Les jeunes pensent plus à des stars débiles qu'à Martin Luther King. Se lève jamais avant midi à part le matin d'une perquise. Pendant que tes copains révisaient, le petit Ken devenait écrivain. Oui je pense qu'à m'amuser, mais pour la coke j'ai le nez de Krill. Escrew, 995, foutre de rien. Nos non. corps fonctionnent à l'envers. On marche avec des têtes, on se sent avec un regard et on joue avec les nerfs. Moi je parle avec les mains, parfois je pense avec ma... Mais je touche avec mes pensées, j'écris avec le cœur. J'en ai rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. Je n'en ai vraiment rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. On verra bien, rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. Je n'en ai vraiment rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. On verra bien, rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. Je n'en ai vraiment rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. On verra bien. C'est Nekfeu, notre invité toute la semaine sur Skyrock entre 20 et 21 et l'album Feu qui est dans les bacs, le morceau à l'instant. On verra un des gros morceaux de l'album qui a été clippé. On marquait déjà plus de 5 millions de vues pour... Ouais, pour, j'ai vu pour, ça tout à l'heure. Clip. C'est incroyable. C'est des scores... Je me rends pas trop compte de ce que ça représente, mais c'est énorme. Tu ouais. pensais à quoi d'ailleurs pendant l'enregistrement de l'album? Tu pensais plutôt à la scène? Tu pensais à des choses en particulier? Il y a certains morceaux... Bah moi je suis un artiste de scène, ouais. donc j'ai été obligé d'avoir ça en tête pendant toute la confection de l'album. En même temps, je voulais que ça soit un truc intimiste, donc c'est un mélange des deux. C'est pour ça qu'il y a des sons qui sont vraiment très ambiançants, etc. Et sur scène, je sais déjà que ça va être une bouchée. T'as pas joué encore? J'ai fait quelques dates, justement, un peu test, et c'était le bordel au-delà de mes espérances. Donc voilà, ouais, je voulais remercier d'ailleurs tous les gens qui envoient des messages. Là, je vois ça défile. Et je peux pas tout lire, mais en tout cas, merci les mecs. Bah ouais, je peux t'en lire un bisou de Casablanca, du Nekfeu pendant les partiels, ça fait du bien. C'est vrai qu'il y a pas mal de révisions en ce moment. Ouais, de ouf. Ah, bah, big up à tous. Jusqu'où toi, Nekfeu, les études? Moi, j'ai réussi à avoir mon bac. C'est bien. J'ai eu en candidat libre, donc j'en suis assez fier, j'en parle souvent. Oh putain, candidat libre, mec? Ouais. Ouais, j'ai pas fait de terminale, mais gros big up à tous ceux qui passent le bac et qui passent leurs examens. Ma sœur aussi, je lui passe un gros big up parce qu'elle a réussi à valider son année. Tout en travaillant, je suis très fier d'elle. Et ben voilà, on la salue en tout cas. Et ouais, donc toi, quand t'as réussi, t'as eu le courage de partir en candidat libre, toi? Bah en fait, j'avais envie, surtout pour mes parents, je t'avoue, parce que moi j'étais déjà dans le rap, je faisais déjà des concerts, je taffais en même temps, tous les jours je taffais, donc j'ai passé le bac un peu comme ça et je me suis débrouillé pour l'avoir, on va dire. J'ai été malin. Voilà. Non, mais j'ai je le mérite. Tu faisais quoi? Des petits boulots avec le rap? D'un côté, il y avait le rap. Il y avait quoi aussi comme petit boulot? À l'époque du bac, je taffais au McDo. J'ai taffé des petits. Un trucs, classique, quoi. J'ai envie de dire. Hein. Ouais, voilà. Surtout justement dans les trucs un peu de. Soit magasin alimentaire, soit restauration rapide. C'est surtout ça que j'ai fait. Donc t'étais plutôt quoi dans les cuisines? T'avais un poste précis ou pas? Ouais, l'employé polyvalent du McDo, quoi. Tu faisais l'écrasement des poubelles aussi, le truc là, ouais, ça, c'est... Le compactage. T'as fait ça toi? Bah oui, je faisais ça. Ah, c'est sale ça. Ouais, j'ai fait ça. Moi j'étais souvent en compactage. Je sais pas pourquoi les mecs me mettaient là-bas en bas là. Ouais, moi aussi. Et c'est vexant parce qu'ils mettent les beaux gosses à ce qui paraît à la caisse. Et j'ai jamais fait la caisse. Ah. J'avais donc voilà. Moi j'ai pas eu le temps, je me suis fait virer avant du McDo. Ah ouais? Non, moi je suis parti parce que je voulais faire un concert et qu'on m'a pas on m'a pas donné mon jour de congé, donc voilà, c'était mon premier concert au Luxembourg d'ailleurs. Très bon souvenir. C'est ta première date ça? C'était quoi avec qui? Avec attends, non, excuse-moi, c'était même pas une date, c'était un enregistrement. C'était un enregistrement de son. Avec des gars justement du Luxembourg à qui je passe le bonjour, Gaudier et toute sa clique. Et les concerts, premier concert, je sais pas, il y en a un dont je me souviens, c'était avec le S-Crew, avec organisé. C'était Framal qui avait réussi à organiser ça et c'était dans le 19, c'était un concert pour les sans-papiers, c'était lourd. Mmh. Ouais, c'était incroyable à l'époque. Bête de souvenirs. Et tu sais, à l'époque, on faisait des morceaux, on les enregistrait pas en fait, parce qu'on n'avait pas vraiment de matos. On les écrivait pour la scène, on les répétait entre nous. Et après on les kickait en live. Ils sont jamais sortis. C'est vrai que quand on pense à Escrew, même à 995 peut-être plus au début, mais on pense à un côté un peu freestyle, même sur scène parfois c'est. Ouais. Ça part dans tous les sens. De fou, mais c'est un bordel maîtrisé parce que c'est, nous on est vraiment la scène, c'est vraiment notre domaine quoi. Il y a beaucoup de gens qui avaient des a priori sur nous et qui une fois qu'ils nous ont vus sur scène, ils ont adhéré, ils sont venus nous checker, acheter les scuds après les concerts parce que on est souvent en contact du public. Et c'est très important pour nous que tu peux pas te faire vraiment une idée de qui on est si tu ne viens pas nous voir sur scène. Mmh. Vraiment, c'est un truc de fou. On saute dans tous les sens, on fait des pogos, on sépare la foule, on saute dans la foule. Il y a des invités tout le temps. C'est vraiment une grande fête, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est une grande fête. Moi, j'ai eu la chance de vous voir. C'était à l'Olympia avec un saut monumental de Sneezy, d'ailleurs, qui est derrière toi aussi. Ce fou. Qui avait tenté le premier étage de l'Olympia, là. Ouais, il l'avait fait. Hein. Ah, il l'avait fait. Ouais. Ouais, c'est vrai, souvent on prend des risques. Mais tu sais, je me souviens, on avait fait aussi le festival Fnac Live. Ouais. Dooms, il était en fauteuil roulant, moi j'avais le pied cassé. C'est pas des trucs qui nous arrêtent. L'équipe. Ouais. Il avait pas pu être là. Plusieurs ce festivals. Aussi. Ouais. Ouais, de ouf. Plusieurs festivals comme ça. Ouais, plusieurs festivals et ça saute quand même dans la foule avec les plates, les béquilles, les chaises roulantes, tout ce que tu veux. Bon, est-ce qu'au moins sur l'enregistrement de l'album, il y avait aussi encore voilà, ce côté-là un peu freestyle ou c'était quand même beaucoup plus. C'était un mélange des deux en fait. Mmh. Mais tu vois, quand c'est freestyle, je réfléchissais, genre là, sur ce morceau, j'ai envie que ça soit plus freestyle. Mais j'avais quand même une idée de ce que je voulais faire et ce que je voulais cadrer, quoi. Toi, t'es plutôt quoi? T'écris plutôt en amont avant de venir en studio ou il te faut quand même le son? C'est vraiment aléatoire. Parfois, je dis à Elite, ouais, je passe pour enregistrer un truc et j'ai rien écrit encore. Et je prends une heure, je gratte. Et donc ça peut aller très vite? Ça peut aller très vite, mais après, le temps que ça sorte, moi, je repasse dessus plein de fois, je modifie des trucs. J'écris en marchant, j'écris 3 ou 4 versions du même texte et après, je le. Voilà, quoi. Ouais, pardon. Vas-y, on a jeté beaucoup de morceaux justement parce que j'étais plus trop satisfait ou parce que un couplet collait pas, etc. Donc voilà, je pense que beaucoup de gens font ça, mais. Tu te souviens du morceau sur cet album sur Feu qui a été le plus dur à faire, peut-être pas dans l'écriture, mais en tout cas voilà, de finaliser. Attends, c'était quoi le plus dur? Ah franchement, je crois que c'était Madope. Parce qu'en fait, Madope, je l'ai commencé à le gratter il y a un petit bout de temps quand même. Et je kiffais. Et puis j'ai bossé, j'ai la prod avec One Up World à qui je passe un big up. J'ai bossé avec eux pendant des heures. On a modifié ce qu'ils avaient et tout. Déjà, ça c'était dur. Et après, pour le refrain, j'ai dû faire 10 versions du refrain jusqu'à ce que j'appelle mon gava Esprit Noir à la rescousse. Et Esprit, il est arrivé avec un truc de malade et ça a sauvé le morceau. Juste avant de finir l'album, en fait. On peut dire d'ailleurs un petit mot pour ceux qui n'ont pas l'album. Il y a Esprit Noir, il y a Dooms, il y a Sneezy qui est présent dessus. Yes, il y a le S-Crew, il y a Alpha One. Il y a un morceau de malade avec Alpha One qui vient d'arriver aussi. Qui est là. Ouais, il est là. Il y a Ed Sheeran, mon poteau, ouais. My man. Il y a Amber Simon qui est une londonienne chanteuse très forte. Très forte, ouais. Et Némir. Et Némir sera un gros sommet aussi. Némir qui est attendu aussi. Chaque fois, je le dis, il est attendu. Ah, Némir, vous entendez pas parler de lui parce que là, il prépare un attentat. Là, et c'est bon, chaud. Et bon, on attend ça avec impatience. Qu'est-ce qu'on met comme morceau, Nekfeu? Moi, je suis chaud de mettre. C'est quoi? Je suis chaud de mettre Martin Eden. On peut le mettre. Ouais, c'est l'intro. Enfin, c'est l'intro. C'est celui qui ouvre l'album. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est une ouverture. C'est une blessure. C'est une blessure, ouais, ouais. Ce morceau. Et bon, l'écoute maintenant, c'est extrait de l'album Feu qui est dans les bacs. Depuis hier, Nekfeu avec nous. Hey. Allez choper l'album dans les bacs. Faites tourner, parlez-en autour de vous. Yeah, feu! Nouveau clip bientôt, très très bientôt. Ouh! Aïe. C'est le retour de Ken Master. Ken Shin, Ken Taro, Ken ta sœur. On veut tous se mettre bien, rien ne sert de nier. On est là, on bougera pas de là maintenant qu'on y est. Y'a que quand je suis premier que je reste à ma place. Et y'a que quand je suis premier que je reste à ma place. Ça c'est pour les miens, nos destins sont liés. On est là, on bougera pas de là maintenant qu'on y est. Y'a que quand je suis premier que je reste à ma place. Et y'a que quand je suis premier. C'est sur la scène que les premières lueurs du matin déteignent. L'humanité meurt depuis qu'on a quitté le jardin d'Éden. On a le rêve dans le cœur, le cauchemar dans les veines. Plus je monte et plus je m'identifie à Martin Eden. Moi je suis un Babtou à part, je vois plein de Babtou pompeux. Mais sache que les Babtou comme moi n'aiment pas les Babtou comme eux. Surtout quand les Babtou ont peur, tout le monde m'invite dans les plans. Fils de pute, bien sûr que c'est plus facile pour toi quand t'es blanc. Les riches font partie des plus radins dans cet empire de piranha. Parfois je reconnais même plus ma patrie comme mon pote iranien. T'oublies tout élément, tu rapes, hein, obligé. obligé de te mentir un peu du genre. Si jamais je m'espagne et du premier coup tout ira bien. Sweet. Jamais t'es gratte à rien quand tu taffes peu. Il me faut un casque intégral, je vais braquer l'industrie comme les Daft Punk. Feu, feu, feu, feu, feu. Je vais transformer en F dollar le S du S tout. Ouais. Ça c'est pour les miens, nos destins sont liés. On est là, on bougera pas de là maintenant qu'on y est. Y'a que quand je suis premier que je reste à ma place. Et y'a que quand je suis premier que je reste à ma place. On veut se mettre bien, rien ne sert de nier. On est là, on bougera pas de là maintenant qu'on y est. Y'a que quand je suis premier que je reste à ma place. Et y'a que quand je suis premier. Je devais bicrave cette beuh, mais je m'allume un bédo puis de piano. Et j'oublie tout sur cette putain de mélodie de piano. Je pense à ce garçon si fier. Un jour ses soucis s'intensifièrent. Dire qu'on s'est vu hier, aujourd'hui il survit sur une civière. Subir un traumatisme et te remettre à moitié entre médicaments et cam. Autrement dit, la trame est dramatique. Mais pour faire la fête, pas besoin de mettre en fait d'âme. En fait, t'es fait frère, mais maintenant fait ta vie. Je mets la nitro, je veux une femme ni trop bête ni trop belle. Je fume de l'hydro, bonique, je bois de l'hydro. Mais on embarque tout l'équipe. On ne part pas, si tu parles de ceux qui parlent, fais pas croire que tu parles pas. J'ai vomi dans la benzo de mon homie Kenzo, nouveau hoodie Kenzo. Yeah. C'est comme ça que Kenzo. Je me téléporte dans la bas de cap, j'aime pas les ports mais pas que. Bla bla bla bla bla ta gueule, j'ai claqué les portes comme un bac. Ceux qui n'aiment pas le petit grec seront en rush. Je m'en tape tant que mes tigresses seront run. Mes ennemis sont en bad, vu qu'ils sont en bas de l'échelle. Et je me fais lécher par les modèles d'Obada. Rien ne sert de nier, y'a pas meilleur que nous, y'a. Connecté au pilier de LS jusqu'à que nous, y'a. Voyage en avion, on a pris un billet. On a fait le show, et on a pris un billet. Ça c'est pour les miens, nos destins sont liés. On est là, on bougera pas de là maintenant qu'on y est. Y'a que quand je suis premier que je reste à ma place. Et y'a que quand je suis premier que je reste à ma place. On veut se mettre bien, rien ne sert de nier. On est là, on bougera pas de là maintenant qu'on y est. Y'a que quand je suis premier que je reste à ma place. Et y'a que quand je suis premier. Yeah, yeah, yeah. Qui manque un cœur. Rien ne sert de nier. Faire en mode Tupac. Rien ne sert de nier. Faites péter le disque d'or. L'entourage. Un 995. Hux, t'es en feu sur celle-là. Ah oui, oui, oui. Le Planète Rap de Nekfeu avec ce morceau qui s'appelle Martin Eden qui ouvre l'album, l'album qui est dans les bacs depuis hier. Ouais. On l'a testé, je pense que sur scène ça devrait le faire aussi, hein, celui-ci. Ah, voilà. Je sais même pas comment j'ai hâte de le faire sur scène. Celui-ci, j'ai comme l'impression que sur scène il risque de se passer quelque chose. Ouais, ouais, ça va enfin, être sur scène et surtout dans le public. Hein. Ça va être un bordel, ça va être un vrai bordel. Bon retour sur celui-là, je suis super content. Hux à la prod. Senzu Record, on fait les choses bien, tu vois, en entre nous, en famille. Et voilà. Senzu, c'est le label, on en a parlé un petit peu hier. C'est le label, ouais. Voilà, label où il y a évidemment le S-Crew. Le S-Crew. Où tu es aussi signé, voilà. Forcément. Et c'est le label qu'on a monté, en fait. On n'y connaît rien à la base et on a fait comme on a pu. Et maintenant, c'est en train de devenir de plus en plus solide. Et on en est super, super fiers. C'est quoi l'ambition du label? Donc, à part sortir, je suppose, les projets du S-Crew et les solos de chacun ou... Bah, à terme, c'est produire les meilleurs rappeurs qu'on pourrait aider et développer et avec qui humainement on s'entend bien. C'est créer un état d'esprit en fait d'entraide, de débrouille et de qualité dans la musique en général. Peut-être pas juste du rap. Après en développant on va voir. On est ambitieux mais on a la tête sur les épaules. Pour l'instant on fait notre son. C'est quoi? C'est aussi faire de l'image je suppose. Parce qu'il y a quand même aussi une part. Parce que dans tous les clips qui sortent, que ce soit toi, du S-Crew, de l'entourage, ouais, d'un 995, ouais, toujours un truc particulier quand même sur les clips. Même si on essaye. C'est quoi tous les clips? C'est nous qui les produisons. Donc on choisit les gars avec qui on bosse. Moi j'ai même co-réalisé On Verra. J'ai réalisé le clip de Madope avec Tu t'es pas emmerdé sur On Verra, hein. Ouais, On Verra, j'ai appelé quelques copines. On a tu t'es pas emmerdé. On a fait notre truc. Et voilà, tu vois, c'est important pour nous d'arriver avec un truc. On avait des petits moyens, on commence à connaître un peu comment ça se passe. Attends, bouge pas, ne bouge pas. Oh, Ouais, ouais, ouais. Ça vous ennuie pas là? On est en train de discuter tranquille. Ah non, mais eux, c'est comme ça. Non, hein. Mais eux, ça y est, ça arrive. Ah oui, en plus, t'as beau dire quelque chose, attends, tout le monde s'en branle. Hein. Attends, en plus, on parle d'image. Là, il y a mon gars Cyrine Boulanoir qui est dans la place. Voilà, le voilà. Qui le prépare le son fameux, premier film. Le fameux, l'homme. Et aussi, on est en train de préparer un clip qui est le clip avec Ed Sheeran. Mais t'expliquais, on revient rapidement dessus. Rapidement dessus. Putain, il y a un mec au Bob aussi. Ah, tu connais celui-là aussi. Ah, celui-ci, je le connais aussi. Salut. Ah, c'est mon ref sur Malik Bentala qui est dans la plaza. Bonjour à tous. Malik, merci d'avoir foutu le bordel. T'arrives, c'est le bordel. Bah, c'est une chicha le truc, hein. C'est... Non, mais on était calme. T'arrives, tu fous le bordel. Ah, bah, toujours. Je suis venu foutre le bordel pour feu, quoi. Bah, aïe, ça fait sorti plaisir. Sorti d'album, c'est l'équipe, c'est la famille. Escrew, 995, Sneezy, Nekfeu. Et c'est mes petits. C'est mes frères. Ils sont sur scène avec moi quand j'ai un spectacle. Ils seront dans la BO quand je ferai des films. Ils seront dans la voiture quand je ferai des bras. Ils vont peut-être produire ton premier album. On sera dans la bûche. J'ai lu que tu te lançais dans le rap, là, ça y est. Tu m'as dit quoi, frère? J'ai lu que tu te lançais dans le rap, là, ça y est, c'est fait. Ouais, ça y est, moi je me lance. Je pense que tu as signé avec Senzu ou pas encore? J'essaie de négocier les contrats, mais ils sont durs. Ouais. Ils sont très durs chez Senzu. C'est très compliqué. Mais je suis très content d'être là, vraiment. Et bah, bienvenue, et ça fait plaisir de te voir parce que d'habitude on t'a eu au téléphone, mais tu venais plus, de toute façon. Ouais, mais j'étais en tournée. Et là, dès que je peux venir, je viens pour la famille. Tournée mondiale. Ouais, j'étais un guignon. Tournée mondiale pour Malik. Ah, mais vous rigolez, Malik, là, en ce moment, ce qu'il est en train de préparer, c'est vraiment des folies. Et je dis pas ça parce que c'est mon ref, mais ce mec-là, c'est le plus talentueux de sa génération. Et ça fait plaisir parce qu'on est tous ensemble. Malik, tu prépares quoi, là? Non, écoute, moi, j'ai tourné un film qui se passe à Pattaya. Ouais, c'est le film de Franck Gastambide. Voilà, le fric. Le fric de. Ah, il a été bien payé, a priori. D'ailleurs, il y aura Nekfeu dans la BO. Dans la BO du film, mais je suis surtout venu pour soutenir un frère parce que. Tu peux pas dire à tes potes juste. Oh, carnet de liaison. Voilà. Merci. Non, ça marche bien avec toi. Mais j'ai vraiment kiffé l'album de Ken, au même titre que l'album du Escrew déjà auparavant. De Sneezy. De Sneezy également, d'un 995. Et ils sont venus sur scène, vraiment, ça a été les premiers à me soutenir dans le spectacle, à la Cigale, au Bataclan. Ils sont venus sur scène et je me dois de venir les soutenir aussi aujourd'hui parce que l'album tue. Achetez feu, ruez-vous sur feu. Bon, merci Malik. Un gros big up à Samy aussi. Tu veux, on écoute Malik en tout cas, il y a d'un seul coin. Ouais, il y a un respect. Liaison là, t'as calmé tout le monde. Hein. Ah, ouais. C'est gentil. Est-ce que vous l'avez lancé ma chanson? Non. Laquelle? Pas encore. C'est laquelle? Elle en avait envie. Ah non, je t'ai attendu. Ah, vous l'avez pas mis celle-là? Non. Ah, on peut la mettre après la pub. Allez, ah, j'aimerais vas-y. Tu veux ou pas? Ouais, bah ouais, avec plaisir. Ah, mortel. Et ben, on le met après la pub. Bah oui. Ne bougez pas, on revient dans un instant. C'est le Planète Rap de Nekfeu. Ladies and gentlemen, Skyrock reçoit Nekfeu pendant une heure complète ce soir. Planète Rap Nekfeu. Nekfeu est l'album Feu qui est sorti hier, qu'on découvre cette semaine entre 20 et 21, juste avant la pub. Il y a une grosse arrivée massive dans le studio. Il y aura un gros freestyle dans une petite dizaine de minutes maintenant. Monsieur Malik Bentala est arrivé. Il est là. Il est là. Et je crois qu'il avait une demande précise sur un morceau. Oui, exactement. J'ai un morceau coup de cœur. Donc, je te laisse introduire. Oui, c'est Frédéric de Skyrock, oui. Alors, on s'est connus il y a longtemps, Je voudrais envoyer « Elle en avait envie ». Non mais pourquoi? Explique-nous, parce que qu'est-ce que ça te provoque chez toi? Qu'est-ce qui se passe quand tu écoutes le morceau? Ben, je bande. Voilà. Tout simplement, voilà. Si tu veux que je te dise la vérité, voilà, je bande et j'ai envie de bander ce soir. Et tu as envie, voilà, pendant 3-4 minutes d'avoir le barreau. Exactement, si on pouvait la lancer, je commence à me toucher moi. Les images sont dispo sur le skyrock.fm, allez-y, ou sur l'application Skyrock. Elle en avait envie, tu veux dire ton mot? Par contre, Nekfeu, toi aussi, c'est quand tu m'écoutes, c'est moi, ouais, ça me fait toujours de l'effet. Non, il est celui-ci, il est né comment ce morceau? La prod, est-ce qu'on alors, c'est une prod de Stu. Pour ceux qui connaissent, il s'illustre dans des prods plutôt électro en général, et dans le rap, il est super, super bouillant. Et j'ai reçu cette prod et je l'ai écrit directement la nuit même. Et quand je l'ai fini, j'étais super content. Je voulais faire un morceau ambiançant, mais en même temps garder un délire storytelling et des phases. Ce qui est dur pour moi à chaque fois, c'est de combiner, tu vois, la technique, le thème, le truc. Et là, bah, j'en suis super super fier parce qu'il est carré le truc. Il s'appelle Elle en avait envie, on l'écoute maintenant. Yeah. Et pendant que Malik est parti faire un petit tour aux toilettes, nous écoutons avec grand plaisir ce morceau qui est extrait de ton album Feu, coup d'envoi. Yeah. On finit bête à la fin de nos soirées. On fait la fête jusqu'à ce que l'un de nous soit raide. Y'avait du monde mais je l'ai vu apparaître, pâle comme une aquarelle. J'ai vu son ombre avant de la voir elle. Merveilleuse, sérieuse, mérieuse, périlleuse. Danse mais à la fois ouvert les yeux. Dans cette vie sans coloris, les cuisses sans doloris. ses pensées colériques, elle danse et colorite. Y'a pas grand chose à faire pour cisailler l'ennui, à part prendre un taxi et aller en ville. Elle dansera jusqu'à 6, longue nuit. Elle danse comme si elle en avait envie. Elle danse comme si elle en avait envie. Elle danse comme si elle en avait envie. Elle danse comme si elle en avait envie. Ah, au moins elle est en vie. Elle danse comme si elle en avait envie. Elle danse comme si elle en avait envie. Elle danse comme si elle en avait envie. Ah, au moins elle est en vie. Elle danse dans une boîte dans les bas-fonds. Les mecs la matent, elle en a marre de ses blafonds. Elle vient d'en bas, ça se passe rien qu'à la démarche. Elle a le moral dans les talons et les mains vers le plafond. Dans le carré, les mecs la donnent. La boîte passe une track de mon album. Autour du Mac, les michos slalom. À la ceinture et sur la table, il a le magnum. Il dit ça s'appelait Malcolm. Il était dans le X. Il dit c'est son propre alcool. Il sait que les gens le fixent dans les vapeurs d'absinthe, loin des lobes. Ça, il observe cette fille absente qui l'obsède. Je veux tout savoir, viens t'asseoir un peu. C'est mieux de recevoir un verre que recevoir un bleu. Elle danse comme si elle en avait envie. Elle danse comme si elle en avait envie. Elle danse comme si elle en avait envie. Ah, au moins elle est en vie. Elle danse comme si elle en avait envie. Elle danse comme si elle en avait envie. Elle danse comme si elle en avait envie. Ah, au moins elle est en vie. 2 grammes dans le sang, 2 dans le nez. Tap, tap, tap, tap, tap dans le néant. 2 grammes dans le sang, 2 dans le nez. Tap, tap, tap, tap, tap sous les néons. 2 grammes dans le sang, 2 dans le nez. Tap, tap, tap, tap, tap dans le néant. 2 grammes dans le sang, 2 dans le nez. Tap, tap, tap, tap, tap sous les néons. Je l'ai jamais revu, pourtant j'y pense tous les soirs. Bourré parce qu'on fête nos victoires en buvant. J'aurais voulu lui dire, faut que tu prennes hyper soin de toi. Mon équipe se bouge le cul, mais personne twerk, hein. Tu sais, ma drogue, c'est les grandes scènes. C'est... J'suis toujours là pour mettre mon grain de sel. Le ciel a plus d'étoiles que le drapeau américain. Et les étoiles n'ont pas l'air plus grandes du haut des gratte-ciel. Elle a fini dans un club de strip de la ruelle sale. Derrière les barrières de l'arrière-salle. Dans cette vie sans coloris, les cuisses sans dolori. Plongée dans ses pensées colériques et dans ses coloris. Elle danse comme si elle en avait envie. Elle danse comme si elle en avait envie. Elle danse comme si elle en avait envie. Ah, au moins elle est en vie. Elle danse comme si elle en avait envie. Elle danse comme si elle en avait envie. Elle danse comme si elle en avait envie. Ah, au moins elle est en vie. Gros big up à Stou sur cette prod. Feu est dans les bacs. Senzu, autoproduction. Merci à tous ceux qui l'achètent, qui font tourner le bordel. G. Nekfeu et l'album Feu, un extrait. On avait envie à l'instant. Très bon choix de Malik, hein, on peut dire bravo. Ouais, bravo Malik. Tu peux lâcher ton mouchoir, Malik, s'il te plaît. Ah. Le morceau qui s'appelle Elle en avait envie, qu'on écoute à l'instant sur Skyrock. Dans un instant, on attaque le live aussi. Ouais, vas-y, hein, c'est parti. Gros live, bah, attends. Freestyle. Allez, vas-y, téléphone. Vas-y. Freestyle, vas-y, téléphone. Balance un truc. Il y a Bugs Bunny d'Oria qui est là. Ah, excuse-moi, vas-y, c'est parti. Allô, Bugs Bunny. Allô. Comment ça va? Ça va et toi? Eh ben, écoute, bienvenue. Tu connais Nekfeu? Ouais, je connais Nekfeu, ouais, depuis le début. Est-ce que tu as son album? Ah non, j'ai voulu aller le choper là en sortant du taf, mais rupture de stock, trop. Ah, Aurillac aussi? Ah, Aurillac aussi, ouais. Ah bah ça fait. Je sais pas si ça fait plaisir ou si ça fait pas plaisir. Ça doit énerver. Tu vois, les frères et sœurs peuvent pas avoir mon album, c'est quoi ce bordel? Mais, trop de succès, trop de succès. Mais ça va arriver. N'hésitez pas à retourner en tout cas, je pense, pour ce week-end. Voilà, ça va. Voilà, c'est une affaire de jours, on m'a dit. Ouais, c'est quelques jours, ouais. Mais c'est vrai que c'est chiant. Ouais, c'est chiant. C'est chiant. Je pensais ouais, pas avoir ce problème, je t'avoue. Ouais, tu te dis, bon. Je suis super content. Bon, Bugs Bunny, on t'écoute rapper, c'est l'heure du freestyle par téléphone. Vas-y, mon pote. Y'a pas de soucis. Oh, oh, oh. Bugs Bunny, ça fait. Check ça. Yo, yo, yo, yo. On veut tous la vie au big boss. Le salaire à la clé, mais ça leur a galère. Là, écoute que mon big boss. Sans le beat ou le beatbox, je débite la big prod. Croquant comme Steve Jobs, trottant comme U-Bolt. Les initiés s'accrochent pour gros cigares. Les initiales sur la crosse du gun. Et fuck l'école, a trop resté sans voix. Sur qu'à force, tu gueules. Oh. Toujours au même stade, toujours sous le même hall. J'ai toujours le même rôle et toujours les mêmes sapes. Mon fil de gosse grillé, mon stick métré tiré. Les Smiths sont venus crier. L'ami, je m'éloigne, je suis un camé dénonce. Non, je suis pas venu briller. Ma ville est noire, je suis un camé. caméléon. La mi-larine est bonne, ne souris pas dans ce caméléon. Faut que je parle les rendre. Mes foules, paquet roule, je crame et je me taille, fais les grandes. Il est tard, c'est vrai gros. T'as trouvé le paquet roule et je crame et le moral, c'est zéro. Faut de la drogue, j'envoie des foncés, mais je suis ma batterie. Quand je pose, j'envoie une phase des merdes. J'ai plus de batterie, encore un sort de plus. Là où je me fais à l'idée, plus c'est la réalité. Pas de banane, faut que Johnny a l'idée. Bleu, Bugs Bunny, One Fight pour tous mes gars. Yeah, ok, Bugs Bunny à l'instant en freestyle, merci à toi. Lourd, gros, continue. Petite dédicace à passer, petit message, on t'écoute. Ouais, dédicace à Margine Authentique, à tous ceux qui sont là, Reni, tout ça, la caille. Bah ouais, il y a grosse du équipe, monde. Grosse équipe Aurillac. L'équipe, si, si. Tout ça, et voilà. Ça fait plaisir. Bah, big up ouais, à l'équipe, les gars. Merci à toi, Bugs Bunny. Ciao, passe une bonne. Je suis désolé, on rigole bêtement parce que t'as pas vu ce qu'ils font derrière là. Ouais, ils font passer des photos dossiers et ça apparaît sur l'écran de Sky, c'est n'importe quoi. Les vengeances sont terribles. Mmh. J'en place une pour le saloon. Ah. Amine, franchement, terrible la sextape. Voilà. Ah, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Coupez les micros. Non, ça c'est les dédicaces sombres. Je crois que c'est l'heure du freestyle, Fred. Allez, on y va, c'est l'heure du freestyle. Elite, c'est comment? C'est parti. Hey, on dit quoi? Feuille dans les bacs. Yeah. 1 1 1 1 1. L'entourage est screw. Check ça, ça fait 1 1. Je me sens hypocrite, je plonge dans les tentations volontairement. Ouais, un péché en plus, un billet en moins. Je touche doucement la concurrence, tous habillés en noir. On n'a pas le temps d'attendre ton enterrement. Je pense à ceux qu'on s'est mis à dos. Je vois mon seum et ses miettes. C'est mieux de s'aimer que sortir le seum. On est tous responsables en partie du monde que l'on bâtit. L'égoïsme et le manque d'empathie, tout le monde on bâtit. Tout le repère de quoi tomber pour recel dans le repère. Dans la jungle urbaine, soutenu camouflage pour qu'on me repère. Hein, j'ai percé en Inde, je suis frais. Ce monde est régi par des chiffres et pour comprendre, faut déchiffrer. Ouais. Pas trop t'as jeté, tu galères pour t'acheter les nouvelles. En étant berné par les reportages, tu vis dans un monde où l'état vient te piller. Où t'es pillé, t'as pigé en regardant un dollar. Garde un œil sur tes pillés. Le vice se flambe en neuf depuis qu'on a verni les langues de bois. Le passé, j'ai peur, y'a mec, mais l'avenir dépend de moi. Bienvenue dans le pays des relations extra-conjugales. Ta femme et son âme, en fais-toi, rébaisse dans ton plumard. Enlève ton autotune, nous on est plutôt dans le bas. C'est l'apostrophe, on est nos propres boss. Un des nous colle au cul, jamais de drogue au dur. Tu sens la douceur d'un bon joint. Tu pries, t'as besoin d'un conjoint. Escroc, ton offre plus d'un. Fais de la place à la Chevrolet, regarde ton open ailleurs. T'inquiète, j'ai poche tous les yeux pour garder mon oseille à l'œil. On est loin des villas, de Cannes et de la Bronzette. On voit la gasolina, j'ai Yas dans le Bronx, mec. C'est comme ça que ça se passe. Escrou, escrou, feu. C'est quand y'a danger, tu vois la vraie nature de l'homme. Ça fait la pute de hors, c'est ce n'est pas dur de se prendre. J'kiffe tout ce qui vient d'ailleurs, rappeur à plein temps. Sachant que mon équipe s'élève très vite, on marche à l'instinct. À tout moment, la balle peut surgir. On survit, on surine, on subit les supplices. Mais bon, c'est le mec tout qui nous le dira. Mais donc, j'suis peut-être fou comme les Boukirak. On connaît pas nos voisins, on connaît pas nos poches. Ouais. Toujours dans le vrai, dans le droit, j'mors, on connaît pas nos torts. À quoi ça sert monter? Ça sert à quoi, mes crains? À baiser toutes ces petites putes qui sont assermentées. J'ai vu la mort sur un lit d'hôpital. Y'a plus de pitié, poteau, j'te fais mon speed sur un beat official. Y'a plus de ficha, on a la fiche, les fachos sont fâchés, on vivra. Je veux tester mes salauds, ça fait bang genre saloon. Bang genre saloon, ça fait bang genre saloon. Écoute ça. Yeah. Dooms, l'entourage, les vieilles zones, Paris Sud, on dit quoi? On dit quoi pour l'album de feu? Feu. Écoute ça, Doomams, Hey. Me parle plus d'amitié, pour dire vrai, tout ça, ça me dépasse. Donc laisse-moi, avec ma mif, j'ai l'espoir de les mettre bien à vie. Non, je veux pas ta pitié, ni ta grognasse dans le 8ème. En fait, moi, c'est pour ma mif que je bicrave pour les mettre bien à vie. Marie-Jeanne, c'est ma femme, la nicotine, c'est ma petite copine. En partant de ce point de vue, tu seras que je suis plutôt clean. Mais j'ai mes vices comme tout le monde, j'essaye de vivre comme tout le monde. On m'a dit, faut que tu démontes sans sucer cette bite comme tout le monde. Je suis prêt à caler pour ma cause, toi pour une dose de plus. On n'est pas pareil, t'es dans le pareil, t'es qu'une rose de plus. Moi c'est décidé, dans moins d'une décennie, j'aurai la destinée dessinée par le guide, à moins qu'on se désunisse. Je vois la dérivée des humains décimés pour du liquide aux valeurs décimales. Face au décédé, je reste un décimal. Je suis qu'un spécimen dissipé par les décibels. Pourquoi les decks et depp me regardent si mal? Fuck, t'as pas pigé, j'suis pas d'ici moi. Je t'avais promis qu'un jour tu te rappellerais de nos têtes. Je ne suis pas prêt de me taire. De la primaire au lycée déprimé, je me sentais prisonnier parce que les professeurs voulaient toujours me noter. Pourtant j'aimais les cours, j'étais différent de tous ceux qui me disaient soit tu subis, soit tu mets les coups. Moi je rêvais d'aventure, griffonnais les devantures, j'attaquais tous ceux qui m'étaient défendus. Rien à péter de toutes leurs émissions télé devendues. Je voulais voir le monde avant d'être rappelé devant eux. Pour ne pas qu'on se moque de moi, je bouquinais sans cacher. Pendant que les gamins de mon âge parlaient de tu. Un des gars de l'époque vicravait des armes à Nicole. Et un beau jour il a ramené une arme à Nicole. J'étais choqué de le voir avec un Glock. J'en ai rien à foutre de vos putains de codes. J'avais peur, je l'ai dit, mais j'ai un cœur, je le dis, mais je suis toujours là pour mes putains de potes. Maintenant pour lui le bruit des pas est imprimé dans le crâne. Ceux qui traînaient dans le bas, nous entraînés vers le bas. Faut jamais céder à la pression du groupe. De toute façon quand tu fais du mal au fond tu ressens du doute. Faut jamais céder à la pression du groupe. De toute façon quand tu fais du mal au fond tu ressens du doute. Deux airs. Deux airs. Tu ressens du doute. Deux airs. Deux airs. Deux airs. Yeah yeah. On m'annonce ta mort au téléphone alors que j'étais dans le métro. C'est pas comme si j'étais épaule. Peinard auprès de mes potes. Mon cœur perd son tempo. Le malheur du monde sur mes épaules. Je me rappelle de tout le GPro et de la belle époque. Étant bébé on se lavait dans la même bassine. Mal dans ma peau ta gentillesse c'était ma terre d'asile. À quoi ça sert la vie à voir ses frères partir. Mais on m'a dit que Dieu cueille les plus belles fleurs qui prennent racine. Parfois j'ai l'impression de t'apercevoir dans la pénombre. Quand ça. Quand je galère le soir, tu sais, Easy, on est tous tes frères. Ta mort me pousse au bout de mes nerfs. Tellement pleuré que la coupe est pleine. Mais t'aurais voulu que j'épouse mes rêves. Donc j'écris des couplets. Je me force à faire des concerts. Minute de silence, s'il vous plaît. C'est pour mon zin, décider qu'on se lève. On dit quoi, là on est dans tout l'entourage. On dit quoi? Ça fait. Ramène pas ton grain de sel. On n'a pas de grain. Quand t'entends que ça craint, c'est que pèse avec ta princesse. Ils entendent tous, ils font crari, ils sont pleins de règles. Mais ils vont trahir de leur plein gré. Sur mes cicatrices, pas de pansement. Je me méfie de tes pensées. Bah ouais, les gens chantent. T'as penchant pour le changement. Mon fric, je fais que le dépenser. Tous pleins de rêves, on veut tous faire des dingueries. Tout niqué y'a qu'un siècle. Escroc, on prend les mêmes et on recommence. L'histoire a commencé dans le 15ème. Des films d'horreur et des romans. On n'a jamais de remords, on fait que des effondrements. Reviens arc-en-ciel. La date de ton bon mal, personne se demande quand c'est. Toujours corsé, le peur à part en couille, man. J'écoute des trucs à l'ancienne. Chaque jour de l'honneur comme un samouraï. Peut-être qu'un beau jour ça mourra. J'ai pas besoin de samoura, on fera plus rien quand ça mourra. Pour ça qu'il faut faire que des enfants. Jamais dans le faux, il m'en faut. Pas beaucoup pour sortir mais dans le faux. Ici dans le 15 quand on appuie ça fait pas de bruit derrière. J'suis venu au monde la nuit mais c'était pas la nuit dernière. Non, fera mal, l'intelligence pas des records. Il y a à travers le regard. Au black card ton record. On fait apparaître le cash. Le cash, hey. Peut-être que les mecs te mentent et non y'a pas que les vêtements. Je pense pas que les rêves de grands me correspondent honnêtement. Des centaines de kilomètres de gens dehors. J'aimerais qu'on les mette devant. Ceux qui respectent le règlement ne le respectent pas correctement. Compter les miettes de temps c'est tenter tant. Mais les mecs se pendent. Cependant tout le monde s'étend quand c'est le dernier temps mort. Check le mec dedans quand j'entre en transe. Phénomène étrange quand j'entends tant tendance. Dans les têtes devant je les traite ouvertement tonton. Oui j'ai la flemme de rentre en plan quand je guette le béton. Pas dégainer ton arme ou la bague te pète bêtement. Je reste tant de mecs. Je sais que j'ai le cran. Si ça transperce c'est que tu pensais que la balle serait peut-être en plan. Dans les bacs la balle était pas blanche. Fils de putain. C'est comme ça que ça se passe, je vise le butin, je vise le cœur des frères et sœurs. C'est comme ça que ça se passe, comme mes prédécesseurs. Le truc est nécessaire, laissez faire, c'est comme ça que ça se passe en impro. Les gars se rapprochent du mic, Ali, phénomène business, c'est comme ça que ça se passe. Balance une petite face direct du 9-4. Les galères me prennent la tête, c'est pas la fête et je me répète encore une fois. Comme d'hab, hanté par des faits divers, des bails de weed en tête. Sortez les KOL, l'hiver arrive à Winterfell. Alors je me renferme sur moi-même comme un collier de perles. Où je me sens à l'étroit comme dans l'achat d'une coréenne. Leur face de grandes blagues, des rimes de farce et attrape. Se réfugie dans le futur, message qu'un jour passé te rattrape. Quand la bonne étoile se dérobe, la chance est prise de gangrène. Des phases et des phases à découler par centaines. J'ai démarré mon couplet au départ centaines. Le but est tard, toujours têtu, mes pensées sont lointaines. L'heure qui se fait tard, toujours une heure de tard, je viens à leur londonienne. Que leurs apparences chic, l'argent serait leur seul parachute. Les apparatifs, leur un échec à part la chute. Notre destin est-il voué à mourir comme des prolétaires? Laisse-moi devenir propriétaire, il n'y a que Dieu que je dois louer. La vie se fait de défaites, je les regarde se battre pour gagner. Merde. Ils sont tous à l'ouest comme Kanye. Une ville étrange où je réside, plongé dans la résine. Parfois je me réside, mais pourtant combien sont déjà condamnés. Prends les valises, direction Brésil ou bien Chicago. Perdu dans Berry, si j'analyse, je crois que je suis carbo. Blindé par le vécu, au final on veut le palace. J'ai vu, je vaincrai, je suis pas venu, je suis pas là. Feu dans les bacs, bande de bitches. Et mon gars va June de LA qui est venu kicker un petit truc là. Hey June, what up? Yo, 86 June. Put up that shit. Yeah, hey. Let's go. Yeah, hey. Yo, I don't know if you understand, but I'ma fucking kill it. All these other niggas know we chillin' in the building. Right now at Skyrock, Planet Rap. These niggas better know me because I'm in that trap. Bring out that money, nothing is funny. All these other niggas looking at me, they bum me. All these other niggas know that I get bunnies. I'm fucking them, loving them. All these niggas know I do it. Everywhere they see it, so these niggas know I'm fluid. All these niggas truant, they ain't even go to school. And these niggas know I'm young, but I'm not a fucking fool. Watch me, watch me, watch my back. All these niggas better sit it because I'm with the S crew. Like Entourage, dog, chillin' with that 1995, 86 gang. Nigga know it's my thing, dog, and I don't really sing. Y'all niggas know what I really bring. I'm hot on the mic, so y'all better see. God damn it, nigga, y'all just wanna bees. I'm nice, nigga, I'm nice. And you better cool me off, dog, I need ice, nigga. Got a little ice on my neck, call the chain. All these niggas know I do it, and it's not a fucking game. Watch out right now. Thank you, Neku, on the beat. J'aimerais sourire plus souvent, mais ça ne serait pas sincère. Quand je fais semblant, j'ai très vite mal au visage. Mes igomatiques se bloquent, igomaclique te botte, les picots trafiquent le pop. Les Renois sont rarement les grossistes, même dans le drug game, on n'a rien, on n'a pas le droit de dîner. C'est pour tous mes halles, poulard, galsen ou malien. Moi je suis de la Guinée, science de la survie est innée. Il faut que tu me ressentes, même si on n'a pas de lien. Mon rap, c'est pour tout le monde, j'en ai rien à foutre si t'es tous les jours au skatepark, si tu shootes pour des quêtes plats ou si tu joues au skatepark. Je veux juste que tu sois respectable, dès que tu deviennes le spectateur de mon spectacle. Jouer aux insomniaques, ouais. Venez, on teste, on verra qui veillera le plus. Dans leur clip, ils chantent, ils dansent, mais ira plus. Moi, pour faire de la thune, j'ai juste besoin de mon oreiller et de ma plume. Je marche dans la brume, toujours prêt à monnayer de la pure. J'suis pas un négro philosophe, non. Ou un négro qui joue au singe, non. Pendant que tu achètes des diamants pour la chaîne de ta chienne, je schématise, je complote pour la chair de ma chair. Ceux qui vont pleurer si je pars, ouais. Si mon récit parle, achète pour que je les achète, mais me félicite pas, non. Les compliments, c'est comme la caillasse. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? Aucun de nous retournera sa veste, pas de veste réversible, va le faire et persiste, à la fois brillant et flottant, je suis la verse et l'éclaircie. Alpha M2, je suis celui qui ne supporte pas l'idée tout à fait. On m'a tellement dit dommage, on le déduira de ta veille. Je suis celui qui arrive avant que tu te mettes à rêver. Je suis la scène que tu refais quand tu viens de te faire taper. Y'a quelque chose entre pas la mémoire. N'est que le Fennec est un cavalier noir. Abat les lois, avale mes noix. Pardonnez-moi si je perds la mémoire. Un filet de barre depuis le départ. L'envie de me battre guide mes pas. Un filet de bave en piteux états. J'espère que cette pétasse est pile le bas. Le studio est allemand. Italiennes sont les bagnoles. Les concerts sont américains. Les bolettes sont espagnoles. Ok, Dumas. Fuck ça, on va découper pour la mif. Mif, on part en freestyle, c'est deux spires. Rien à foutre, j'ai baissé, bitch. La 9ème zone, oui, c'est l'inspire. Posé avec mon gaba à droite, c'est June. Non, c'est pas un genou. Le gaba vient des LA. Tu sais qu'il est calibré. Il a ramené la wax et la weed. Tu vois ce que je veux dire avec la mif. On s'est posé, on a teasé, on a fait le split. Rien à foutre, on était shit. On était fucking clean. Comment tu veux tester mes négro? Depuis le 8-2. Nec feu à mille. C'est comme ça, mec. C'est comme ça que je me pose sur la mélo. Ça se passe comme les cheveux de Doom ce soir, c'est black and yellow. On se pose, l'album est dans les bacs, donc je m'essaye aux impros. C'est comme ça que ça se passe. Ouais, mon gars, si tu veux jouer, fais pas le pro. Je m'en bats les couilles, j'essaye de gagner du temps avant que ça y pose. C'est comme ça que ça se passe, tu vois bien que le mic chauffe. Mets-le dans l'iPod, le iPad et le iPhone. C'est comme ça que ça se passe, c'est pour ça que les tasses font. Yo, ok, c'est parti. Quoi? Ça y est, gars, phénomène business. J'ai vu dans les boîtes depuis le 8 juin. Voilà. C'est Kéma. Yo, Paris, nul ne nous compare. Qui veut la paix devra combattre. Peine capitale, pas de compassion pour les fonds blancs. Viens dans les jeunes stars pour là. Flow combatté par des kittés. Teinté par une meuf en hijab. Victime du coup tu fous là. Envahi par des pensées maussades. Fasciné par des gros cas. Je ne cours qu'après une femme. Dans le seul but de lui déposséder de son sac. Têtu dans le calme. Renoir qui n'aime pas la fête. Dois-je leur mettre des balles dans le crâne pour qu'ils aient du plomb dans la tête. En quête du bonheur, de l'amour, dans la vie, c'est la mort qui peine à m'accoster. Dounia fait la gueule dans la détresse, c'est dans l'alcool que mes gars vont s'arroser. Pouvoir de la falaise, diverti par les interactions de la life. Perdu dans la sphère, fais ce que t'as à faire, lâche l'état, c'est pète ta wife. Yeah, c'est la solitude qui m'a dit compte sur toi. Vise la victoire, débloquer le trône par la force. Brut mec, c'est le mal que tu sous-dois. Je compte sur mes 10 doigts. De les rentrer les signes, tu m'efforces et gorge à noix. J'ai du 13 pieds, les 1, 2, 3, 4, levez les bras. 5, 6, 7, 8, levez les prises. Semez les flics et posez les prix. 9, 10, 11, 12, courez là-bas. Les filles savent tout, n'en doutez pas. Nafis a tout, baisse Dominique. Elle a le bobo là-bas, elle m'a dit tu me niques. Trop timinique, donc je n'en voulais pas. Comme Alejandro, n'enculez pas. Vous ne nous aurez pas, vrai négro comme mes Césaire. Partez à point, ne courez pas, vous ne comprenez pas comment ne pas aimer ces vers. De toute façon, on vient d'Écosse, on vient de Pologne. La trahison sans l'eau de Cologne. Ces putes sont des menteurs, ils utilisent la langue de bois de Boulogne. Donne-moi du bif, la zik, on l'a fait nous-mêmes. Sûr que tu kiffes, busy busy, phénomène. L'avenir, j'en fais mon thème, je te l'ai déjà dit dans Mayday. Il n'y a pas de je t'aime, je te prie de m'excuser, baby. De la haine et de la rancœur, super vulgaire seront toutes mes balades. Tu goûteras toute ma fureur, par là, ma bite, mon cœur est malade. Niveau rapport, tu n'es pas là, tu n'as ni le rip, ni le mental. Dis-moi ce que t'as rappé à part de l'élémental. Yeah, check. C'est comme ça que ça se passe dans Planet Rap. La main sur le mic, la tête ailleurs. Comme mon papa surmené, un plat de pâte surgelé, un regard en coin, une patate sur le nez. Non, pas de tape sur le néant, pas de cap sous les néons. La bague passe sous le V quand ça se tape sous le préau. Backpack vissé au dos, toujours le même schéma ternaire. Toujours la même haine dans les veines, les mêmes débats fermés. Toujours les mêmes thèmes, les mêmes scènes que l'état permet. Ouais, des tas de pervers et dans nos verres, plus de lait maternel. J'en ai marre des rés, loin des tam-tams de la vie. Y'a pas de drame, ma bite, un tas de femmes me lastiquent. Mais je ne suis pas heureux, comme Buffa, je reste impertinent. Je t'emmerde sinon, je suis pas un mec qui le prend, mais j'ai un pertinent. Je suis le vertigeant, négligent mes grosses cernes. Mais c'est évident, mec, je te défie sans me prosterner. Hein, c'est comme ça que ça se passe. Feu est dans les packs, l'équipe est dans la place. Hein. Tu peux me croiser au coin de la rue, toujours à l'affût de toutes ces putes qui veulent nous voir finir en garde à vue. Sache là, c'est dead, on a la rime catapulte. C'est l'invasion, ouais, nique les clones, on fera du sale, j't'assure. On roule des connes, on les met des go, est-ce que tu captes ta vue? Et même les gars, ta rue, mais chez nous, putain, blat pur. Bande de dos, c'est pour une dose, très frais à peps, t'as vu. C'est dans mon coin de rue, c'est pas la même. Tu verras toujours les mêmes gars poser pas de petites frappes dopé avec sa petite tasse coquée pute pénale. Check ce freestyle codé, faudrait que tu vives dans mon coin de rue pour comprendre mon point de vue. Chute pédale, j'ai pas le temps pour les ondes, des gars fucking fanatiques. Fais pas passer pour un homie dans mon coin de rue, plein de gueule, ça donne mal. Les gens n'est plein que tes incultes paranoïa. J'ai le même regard qu'un canon de calibre. Comme une grosse baffe de maçon, j'arrive. Je suis devenu fou que les mecs de Londres. Paris m'a rendu sombre, accro du son. Mais quand j'affronte, I kick pour les keufs le pont. Ravis dans les catacombes quand les matons rappli. Et c'est mes péripéties, j'excite les filles en passant. Appelle-moi l'ennemi des flics, j'ai qui se dérime, j'prends l'argent. Pire qu'une épidémie, j'esquive, j'mixe l'équipe, j'dépite, ma chance. Et y'a pas d'autotune que les vases qui claquent ton gros cul. Tu cherches un endroit où me taper, pardon. Sur YouTube, on les bat, qu'on les gâte, on t'es pas trop délire, qu'on est marqué. Clame au slow tu. J'ai la gorge serrée et la peur du futur. Comme un gosse qui élabore ses rêves. Et j'adore mes frères, mais à force je les perds. Car cette vie rapide est éphémère, la mort se dépêche. Et même si ta clique est téméraire, esquive la piste et les ténèbres. Les vies faciles et les pertes, la drogue les perce. 1-2-1-2, mic check, plein de rage, plein de blême. Mais mon body, je allais. Les leçons de la vie s'apprennent, c'est les pas quand les vieux qu'on te parle. Non. Et pas quand les vieux qu'on te parle. Non. Yeah. Feu dans les pattes. Alors c'est dernière. Feu. Feu dans les pattes. Yeah, ça fait. Hey, j'ai un petit truc inédit pour vous. Ça fait genre. Hein. À la tombée de la nuit, la tour Eiffel enfile sa plus belle robe à paillettes. On saute les barrières de la boîte pour paillettes. À la nique sa mère, on sort et on boit. J'en ai vu claquer un an de salaire en une soirée en boîte. T'es rentré à Yep, je suis issu de la mixité. Fuck tes a priori, je vais chercher mon pote dans sa cité. On se retrouve à Préoritz. Si c'est tout est possible, sérieux tu pensais quoi, bitch? Passe un peu sur Panama si les opposés cohabitent. C'est comme ça que ça se passe. Kick, kick le mic, kick, kick le mic. C'est pour ma horde de kicker, pour tous les gars depuis le début. C'est comme ça que ça se passe, un 995. D6 D6 D6 Paris Sud, wesh le 14, wesh le 15, c'est pour feu. On dit quoi? Wesh le 13, on dit quoi? Hein? Ok, ça parle en G. Pour terminer en 4K, si ce peut t'arranger, des puffs tartés de John Tatam. Putain de lifestyle, non, je ne m'en lasse pas, même dans un paftar. Nique sa mère, je graille le plat de pâte. Putain de Lascar, un comité Jack, joue la comédie pour que madame paye me dédicace. Aujourd'hui, je m'extase, j'ai peut-être les mains sales pour des gens extrêmes qui ne voulaient pas que je m'installe. C'est juste gang, le freestyle est convivial. Rien qu'on inhale, chez moi c'est pire que le Burning Man. J'ai dit c'est juice gang, prêt à rentrer dans des anneaux. Si plante ton ballot, allô, j'ai besoin du magot. Ça dit quoi? Dommage, c'est un couplet. Yo, MFT, MF, l'homme Frémont. Yo, wesh Yoz. Yo, je porte l'espoir de mes sauts sur mes jeunes épaules. Pas question de décevoir, on grandit avec le seum d'être pauvre. Je te jure que ça forge le caractère. Quand tu sors de l'école pour les sentiers battus ou les bagarres, les stupes sont sur ma trace, c'est à ce vœu de ma maille. Donc je me déplace qu'en silence, ça ne sera pas, je smoke la cam. Hier, à l'impasse où c'était Véron, on vit la value avec mes cassures, on a calciné des Raymond, descendu des Gildas, possédé par le démon. On va repasser Shiva, quand je suis posé dans la Vénon. La mif c'est le principal, le bif c'est secondaire. Les buts sur la dernière place, ainsi que les traîtres et leurs compères. Si mes principes, y'a juste quelques mots, n'en aie pas peur, ça vient du cœur, dans sur ma démo. J'ai dit mes principes, y'a juste quelques mots, n'en aie pas peur, ça vient du cœur, dans sur ma démo. Je voudrais refaire ma vie sans qu'on parle de contrat. Le temps passe trop vite ou pas assez, donc il ne compte pas. Refrais la mif, c'est ce qui fait tenir mes gars. 75009 depuis le top départ. Je voudrais refaire ma vie sans qu'on parle de contrat. Le temps passe trop vite ou pas assez, donc il ne compte pas. Refrais la mif, c'est ce qui fait tenir mes gars. 75009 depuis le top départ. 1 5 0 1 5 7 5 0 1 5 7 5 0 1 3 7 5 0 1 5 7 5 0 1 5 7 5 0 1 5 7 5 0 1 5 7 5 0 1 5 7 5 0 1 5 7 5 0 1 5 7 5 0 1 5 7 5 0 1 5 7 5 0 1 5 7 5 0 1 5 7 5 0 1 5 7 5 0 1 5 7 5 0 1 5 7 5 0 1 5 7 5 0 1 5 7 5 0 1 5 7 5 0 1 5 7 5 0 1 5 7 5 0 1 5 7 5 0 1 5 7 5 0 1 5 7 5 0 1 5 7 5 0 1 5 7 5 0 1 5 7 5 0 1 5 7 5 0 1 5 7 5 0 1 5 7 5 0 1 5 7 5 0 1 5 7 5 0 1 5 7 5 0 1 5 7 5 0 1 5 7 5 0 1 5 7 5 0 1 demain. Bah, demande aux gens, peut-être ils veulent on reste jusqu'à 23h. Eh bah, écoute, peut-être d'ici la fin de semaine. Merci en tout cas à vous pour ce soir. Merci pour cette belle soirée. Merci Nek. Je remercie tous mes frères qui sont présents. Le escroc est au micro ce soir, monsieur Doumes. Il y avait le phénomène business, j'insiste. Tapez ça, allez regarder, c'est la famille, c'est un truc de ouf. Bientôt, ils viendront interpréter un morceau là pendant la semaine. Comme tous les soirs, on est avec la MIF, Dooms qui prépare un projet, Deuxer qui prépare un projet, un EP, les deux frères, Mekra Framal qui prépare un projet commun, tout ça, ça sort sur Senzu. Regarde, tu as oublié. Non, mais bien sûr que non, j'ai pas oublié. Qui prépare un projet, Alfloren 2. Alfloren volume 2. Tu vois, il y a tout le monde. Attendez-le. Voilà. Merci à vous en tout cas pour cette belle soirée. Merci à toi. Nekfeu, l'album est dans les bacs. Tu voulais ajouter un dernier truc? Ouais, je voulais dire soutenez tous les projets de la MIF parce que on fait pas mal de trucs. Tu vois, il y a mon gava Areno Jazz, DLC, Daryl The Jack qui sort plein de trucs. Là, il a signé une petite meuf pas mal. Je vous conseille d'aller la voir. Elle s'appelle Danitza. Je vous conseille de regarder ce qu'il a fait Hologramme Low. Là, il a sorti un vinyle exclusif. Normalement, vous pouvez pas le pécho, mais peut-être vous pouvez l'écouter. parce que voilà, il était en exemplaire limité. Mais voilà, allez soutenir tout ça. Il y a Super qui est dans les bacs, les mecs. Sneezy, Super, c'est un truc de malade l'album. C'est mon affaire, monsieur. Depuis 2002. Je dis bâtard. Merci à Malik qui est passé. Je sais pas où il est, Malik. S'il est encore dans le coin. Malik, il est là, ouais, bien sûr. Malik, on va remettre la peur en vie. Viens. Vous allez le voir. On va remettre le morceau. Malik, il m'a dit, il allait rapper tout à l'heure. Il voulait lâcher un coup. Une spéciale. Los Angeles, pour ça, comme ton ami tout à l'heure. Voilà, ouais. Je voulais en placer une spéciale pour mon gars June. 86. Checkez ça, ce mec-là, c'est un skater, c'est un bête de rappeur, c'est un poteau. Thank you for coming on Planet Wap, June. Oh, thank you guys, man. I love you. Yeah. Appreciate it. Thank you, Junoon. Comment? Tu as vu cet accent? Pas mal, frère. Franchement. Attends, une question en anglais? Do you want some ketchup? Voilà. A priori, non. Bon, merci en tout cas d'être passé, Malik. Merci, merci les amis, merci beaucoup. Et avant de se quitter, avant de retrouver Diffol, on fait tourner rapidement la roulette, c'est parti. Skyrock t'offre le nouvel album de Nekfeu, celui de Big Flo et Oli. 100 chèques cadeaux de 50 euros. Plus 100 places pour le Nitro Circus à Nice. Salut Sarah, du côté de Metz, comment ça va? Allô? Ça va en pleine forme, Sarah? Ouais, nickel. Tu es prête à faire tourner la roulette? Ouais. Peut-être l'album de Nekfeu pour toi? Ah, vas-y, ouais, Sarah. Ça. L'album des frangins Big Flo Oli aussi, qu'on salue, les Toulousains. Yeah, big up. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Eh ben, c'est fait. Feu, il est pour toi, l'album de Big Flo Oli, 50 euros en chèque cadeau aussi. C'est pour toi, on t'envoie ça du côté de Metz. Sarah, ça déchire, merci. Merci à toi, Sarah. J'espère que tu vas kiffer l'album. Vas-y, non, vas-y, c'est mort. Viens, on parle de mon album. Je rigole. Vas-y, on t'écoute, Sarah. Ouais, grosse dédicace à ma soeur Lolo, Onir et Yannick. Et bah merci à toi, bisous, passe une bonne soirée, merci Nekfeu. Ouais, ouais, bonne soirée. Un bisou à Nekfeu, franchement il déchire tout. Merci Sarah, bah oui, c'est important. Ça fait plaisir, Frangine, merci beaucoup. À bientôt Sarah, merci Nekfeu, merci toute l'équipe. Yep. Et on va retrouver D-Fool maintenant, qui doit être là avec... Avec la Dream Team de la Radio Libre. Ah, ça c'est bien, merci Fredo. J'ai cherché, j'ai jamais cherché de la Radio Libre. J'ai cherché quelque chose pour mettre tellement en valeur cette équipe incroyable. Très bien Fred. Ça va D-Fool? Bien et toi? Bah ouais, tranquille. Alors tu viens demain, tu viens quand, jeudi chez nous? Bah je sais pas, tu me dis. Bah jeudi, demain, comme tu veux. Vas-y, vas-y, bah je te dirai. D'accord, tu me dis. Ça marche. On verra bien. On se passe comme ça, Skyrock. On verra bien. Je la refais, on verra bien. On verra bien, ouais, c'est vrai, on verra bien. Et demain, le Planète Rap, c'est de retour dès 20h, 20h, 21h. C'est ça. Avec Nekfeu, l'album s'appelle Feu et Léa gagné encore dans la roulette. On la fera tourner ce soir. Il y a encore des albums à choper, hein, soyez là. Vous le voulez, vous le découvrez dans Planète Rap. Et on salue Malik aussi, qu'on a entendu chez toi. Il est passé, Malik. Il est en train de prendre l'air parce qu'il fait super chaud là, c'était le feu dans le studio. Mais j'ai entendu, ça lui fait bizarre d'écouter tes sons d'après. Oui, d'après il en a un en particulier. Il en a un en particulier. J'aime dire que c'est quelqu'un de très sensible. Voilà, c'est oui, ça. Il était très ça, sensible. Ouais, voilà. Ouais. Planète Rap, le retour demain 20h 21h. Nekfeu toute la semaine. Vous l'attendiez. Et ben il est là et puis il sera là dans la Radio Libre demain ou après-demain. C'est bien ça. Salut. On va passer de belles soirées. Bonne soirée à vous. Et ben, ciao. La soirée qui démarre tout de suite. C'est avec nous en direct sur Skyrock. On arrive dans une minute là. C'est parti. Vous nous appelez dès maintenant. 01 53 40 30 20. Faites péter ça et vous aurez droit à un freestyle. Parce qu'il y a eu plein de messages pour le freestyle de Nekfeu. Et ben demain soir, ça va tout déchirer. Soyez là, 21h, c'est Radio Libre. Et 20h, c'est Planète Rap. Merci Fredo. Ciao, ciao à toutes. Et c'est parti tout de suite. Je sais pas avec quoi on va démarrer là. Vous avez envie d'écouter quoi pour démarrer cette soirée? Allez, un petit Florida, c'est parti. Allez, Florida. Florida sur Skyrock et vous tous en direct jusqu'à minuit. C'est bon? Ciao, ciao, ciao, ciao Fred. Il les appelle dans toute la France.